c'est moi. Je reviens, et pourtant, loin de vous, je n'ai pas laissé passer une heure, un instant, sans dire que je meurs plutôt que la revoir. Puis, lorsque, un jour que vous aviez fixé pour le retour, je suis parti sur le seuil de la porte. Je résistais encore, je voulais fuir. Qu'importe d'ailleurs tout cela, me voici. Pourquoi cette parole amère? Pourquoi ne plus revenir? Quand ici chacun vous attendait, mon père, les enfants. Et vous? La maison est restée telle que vous l'aviez quittée. À la revoir ainsi, ne vous semble-t-il pas qu'elle s'est souvenue? Oui, je vois, ici rien n'a changé. Interprète.